Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la radio la plus locale et la plus libre des Vosges depuis 40 ans. Eh oui, la plus libre et la plus locale. Alors ce soir, eh bien, une mosaïque d'enregistrements divers et variés. Par exemple, où est passée la loi grand âge, hein ? Il s'agit de l'inaction de Macron, en fait. Ensuite, anniversaire de la République. Par Alexis Corbière. Et puis un tout petit passage de 1 minute 08, ici Radio Londres, vous savez, vous rappelez ? Pourquoi affronter Éric Zemmour, Adrien Quatennens ? Et puis Jean-Luc Mélenchon, rien n'est possible sans les travailleurs. Et oui, sans les travailleurs, il n'y a plus grand-chose qui est possible dans ce pays, plus rien. Germain Darmanin, extrême droite à l'intérieur. Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Citarum, le fleuve indonésien. Jean-Luc Mélenchon, les grandes gueules. Et puis voilà, on finira avec, Raoul de Godvarsvel, par exemple, les cigares. Hein, voilà. Bonne soirée. Vous avez décidé de faire le déplacement. Oui. Pourquoi ? Alors elle nous a écrit et puis ensuite il y a eu un article dans la presse locale, on est tombé dessus, on s'est dit on va aller voir quelqu'un qui écrit, ça va pas s'imposer, pas être dans le j'aurais pu aller n'importe où, mais là, puisque précisément j'avais été interpellé, je suis venu, surtout qu'il y avait la loi grand âge. Tout le monde sait que dans ce pays, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on reprenne à zéro le dossier du grand âge, de l'autonomie des personnes âgées et très âgées. On peut quand même commencer à dire que 95 ans, c'est plutôt très âgé. Mais pour autant, moi j'ai mal vécu qu'on ait abandonné l'idée de faire une loi sur ce thème-là, où on aurait pu pour la première fois en parler en grand. Et j'ai trouvé que c'est une bonne idée de venir voir quelqu'un qui, à 95 ans, interpelle des personnalités politiques. Alors je me doutais, je les connais, hein, les gens de sa génération, que, au passage, je prendrais ma part de petites piques. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, voilà, je parle avec quelqu'un qui a 95 ans et qui est pleinement en état d'être citoyenne, d'avoir un avis sur les choses, sur les gens. C'est incroyable la discussion. On est passé de l'Irak à l'Afghanistan. Madame Guillon, elle suit tout. Alors après, elle a ses opinions, hein, qui ne sont pas toujours concordantes avec les miennes, mais qui l'étaient assez souvent. Donc pour moi, c'est un moment, si vous voulez, où je reprends pied dans cette réalité-là, que je ne vois pas le reste du temps. Je suis député, je n'ai pas de circonstances particulières, et mes propres parents ne sont plus là, hein, compte tenu de mon propre âge. Donc c'est important pour moi de bien faire un retour comme ça, de bien m'imprégner de la vivacité, d'intelligence, de discussion. Alors c'est une femme qui est issue des milieux populaires, donc on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de manières de voir. Et c'est ça que ça apporte. Alors on est venu, parce que c'est la circonscription de Madame Fiat. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette discussion avec Madame Guillon ? Je vais vous dire. Comme homme, vous sortez pas indemne d'une rencontre comme ça. Comme être humain, vous apprenez, vous recevez. Comme responsable politique, c'est aussi une manière de vous sentir poussé dans le dos et incité à l'action, sans s'accorder la facilité de se dire bah, les gens sont très âgés. Et tout d'un coup, voilà, très âgés peut-être bien, mais très très présente. Alors il faut qu'on ait ce débat sur le grand âge et qu'on trouve la solution pour accompagner. Et puis il y a des choses très dures, vous savez, des sujets très difficiles sur lesquels elle a pris position. Elle est, par exemple, pour le droit de mourir dans la dignité. Alors ça peut paraître être un sujet qu'on n'aborde pas avec des gens très âgés. Ben si. Et c'est elle qui l'aborde, hein, qui l'a mis dans la démarche qu'elle a fait vers nous. Ça, c'est des sujets de fond, parce que la société française les abordera un jour ou l'autre, comme elle a abordé toutes les autres grandes questions, comme nos voisins l'ont fait. C'est pas simple. Et vous pouvez pas arriver comme ça, là, flamberge au vent, et dire on va faire comme ci, on va faire comme là. Il faut s'assurer de certaines choses. Et moi, je voulais entendre quelqu'un de 80 ans me dire, moi, je réclame ça. Parce que j'ai entendu d'autres gens me dire, et sans doute qu'ils ont raison aussi, cette demande-là, c'est une demande de quelqu'un qui est en bonne santé. On m'a déjà dit ça. Comme on dit, les gens qui vont mal, ben, ils s'accrochent surtout à la vie. Ben non, c'est pas si simple que ça. Et donc, là aussi, j'ai reçu une leçon, j'ai appris quelque chose. J'ai reçu de la force, voilà. Ça peut paraître drôle, hein, mais j'ai reçu de la force. Je sais pas mieux vous dire. Machio, aluku, kokoro.軽く誰かに会えるこの道で可愛い君に声をかけてこんにちは僕とゆきましょうOh,Champs-Élysées,Oh,Champs-Élysées,いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。Champs-Élysées君を連れて遊びに行こうみんなが集まるあのクラブギターを弾いて朝まで歌おう楽しく騒いで恋をするOh,Champs-Élysées,Oh,Champs-Élysées ないどうし今日から二人恋人さ道を行けば世界は揺れる愛する君と僕のためにオーシャンゼリゼオーシャンゼリゼいつも何か素敵なことがあなたを待つよオーシャンゼリゼオーシャンゼリゼオーシャンゼリゼいつも何か素敵なことがあなたを待つよオーシャンゼリゼオーシャンゼリゼ Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre. Vous observerez qu'en France, et c'est tant mieux, il y a souvent des anniversaires historiques qui sont fêtés, des célébrations qui sont organisées par le président de la République. On a dernièrement, je dis « on », le président de la République a fait un discours à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, qui s'était fait sacrer empereur des Français et qui avait mis en place un régime qui n'était pas conforme à la République. On a aussi souvent, lorsqu'un artiste, une grande personnalité meurt, des cérémonies qui sont organisées par le président de la République. Mais, alors que tout le monde parle aujourd'hui de République, tout le monde s'en réclame. Je l'ai parfois dit, la République, si elle a de vrais ennemis, elle a aussi beaucoup de faux amis qui se réclament d'elle, et le mot perd de son sens. La droite s'appelle les Républicains, le parti d'Emmanuel Macron s'appelle la République en marche. Bref, tous républicains, mais en vérité, quel est le sens de la République? Et surtout, ce 21 septembre, je voudrais souligner le fait que c'est le jour où, le 21 septembre 1792, pour la première fois, nous sommes entrés à République. Mais personne ne le célèbre, personne ne le fête. Et c'est intéressant, c'est sans doute dû aux raisons historiques pour lesquelles cette République a été, pour la première fois, pas tout à fait proclamée, mais a été mise en place par les révolutionnaires lors de la Convention. Pour quelles raisons? Parce qu'il y avait eu une deuxième révolution. Dans la Révolution, dont on parle peu, qu'on enseigne peu. Bien sûr, tout le monde connaît l'épisode en 1789 de la convocation des États généraux, de la situation, de l'enchaînement de circonstances qui amène à ce que le peuple de Paris, pensant qu'il va subir une répression, va aller à la Bastille pour aller prendre des armes, pour se défendre, pour éviter que des troupes envoyées par le roi les répriment. On connaît l'enchaînement des circonstances qui fait que les députés des États généraux vont progressivement mettre en place une constitution, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., etc. Mais il y a par la suite un gouvernement, une monarchie constitutionnelle qui ne fait pas les tâches pour lesquelles véritablement le peuple a organisé tous ces moments révolutionnaires. On a même un roi qui, après avoir prêté serment à la constitution, va chercher à s'enfuir, c'est la fuite à Varennes, et ceux qui sont à ce moment-là à l'Assemblée nationale cherchent à faire croire qu'il a été kidnappé en quelque sorte, et c'est à l'insu de son plein gré, comme dirait aujourd'hui, comme on dirait pour plaisanter, que ce roi a disparu. Il y a aussi un roi qui cherche à déclarer des guerres inutiles et coûteuses, dont le but sans doute est que la France, subissant une défaite, il soit pleinement rétabli sur le trône avec la totalité de ses pouvoirs. Le peuple s'impatiente, le peuple en a assez de ses trahisons, de cette insatisfaction aussi. Des réponses aux difficultés sociales. Et le 10 août 1792, il y a une révolution dans la révolution, une deuxième révolution qui amène à ce que le roi, cette fois-ci, soit contesté définitivement par le peuple. C'est des journées révolutionnaires très dures, un affrontement aux Tuileries, la garde suisse qui est, après avoir tiré sur ceux qui veulent véritablement qu'on en finisse avec la monarchie, une répression très dure, et une situation où il y a de nouvelles élections qui sont convoquées, cette fois-ci au suffrage universel, ce qui avait été refusé par les assemblées précédentes, et qui s'ouvre le 21 septembre 1792. Et à cette occasion, il y a plusieurs personnages, Collot d'Herbois notamment, mais aussi d'autres qui vont considérer qu'il est temps que la monarchie soit abolie, c'est ce que demande Collot d'Herbois, et que nous commencions définitivement à ce que chacun des actes qui seront décidés par la nouvelle assemblée soit marqué de l'an 1 de la République. Il y a une discussion à ce moment-là, un député peu connu qui s'appelle Salles dit « mais considérons, même si nous rentrons en République, que nous sommes désormais en l'an 4 de la République, prenant pour point de départ les événements de 1789. Et d'autres lui répondront, eh bien non, parce que même de 1789 jusqu'à 1792, nous avions un roi et nous n'étions pas totalement libres. C'est un moment important, sans doute peu célébré aujourd'hui par les gouvernements successifs, parce qu'il est à l'image de ce qu'il y a d'important à retenir dans la Révolution française, c'est qu'il y a une dynamique populaire qui ne s'arrête pas en 1789, qui continue à porter des exigences, qui porte en elle-même la volonté de souveraineté populaire, et notamment le refus que ce soit uniquement par des votes censitaires que des représentants soient désignés, qui veut véritablement que les promesses de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soient pleinement satisfaites et qu'elles ne se limitent pas à des proclamations de droits en quelque sorte formelles. Et d'ailleurs, la Convention de 1792 décidera d'une nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peu souvent enseignée en 1793, qui va plus loin dans la précision de ce que sont les droits des citoyens dans le cadre d'une république. C'est la raison pour laquelle ce 21 septembre, 2021, je vous invite à ne pas oublier le 21 septembre 1792, où pour la première fois nous sommes entrés en République. Vous le savez, avec des ruptures par la suite, cette République sera écrasée par un coup d'État militaire avec Napoléon, il y aura une restauration, il y aura à nouveau une deuxième République, à nouveau un second Empire, etc., etc. Dans cette histoire tumultueuse de la République, il ne suffit pas de se réclamer du mot pour véritablement être fidèle à la chose, mais n'oubliez pas que pour la première fois, elle est née dans notre pays, à l'occasion d'un grand mouvement populaire révolutionnaire qui portait la question de la souveraineté, de la démocratie et la question sociale. C'est peut-être un enseignement pour le futur. Madame Béthou avait promis, Madame Béthou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne fut pas manqué, grâce à nos canonniers, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Que réclamant républicain, que réclamant républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Luttez pour pas chez nous, plus de riches et vous. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son du canon. Qu'est faut-il au républicain, qu'est faut-il au républicain. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Adrien Quatennens qui est avec nous, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Mélenchon-Zemmour demain soir sur BFM TV. Pourquoi Mélenchon a-t-il changé d'avis jeudi soir, décidément? Changer d'avis, c'est-à-dire? Bah, il ne voulait pas débattre avec Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Bah si, souvenez-vous, il avait même fait un petit tweet que vous aviez beaucoup commenté quand Monsieur Ménard avait proposé à Madame Le Pen et Monsieur Zemmour un dîner. Il avait même écrit s'il reste un survivant au pique-nique, qu'il débatte avec moi. Il se trouve que Madame Le Pen préfère se cacher, donc le débat aura lieu avec Monsieur Zemmour. Mais il n'a pas changé d'avis. D'ailleurs, j'ai vu aussi que avait été pas mal commenté son interview de Libé du week-end dernier, dans lequel il disait « J'espère que la présidentielle on va pas être occupé à des débats pourris avec Monsieur Zemmour ». Et en effet, nous espérons que la présidentielle va pas être occupée intégralement des débats pourris avec Monsieur Zemmour. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut maintenant l'affronter. Donc il faut l'affronter et l'atomiser. Il faut l'affronter en tout cas pour une raison. C'est que si vous voulez, l'ambiguïté, elle est maintenant presque levée. C'est-à-dire que, en toute hypothèse, Monsieur Zemmour, quand il est invité sur les plateaux de télé aujourd'hui, il fait de la politique. Il était invité d'une matinale politique chez vous il y a quelques jours. Il est crédité dans les intentions de vote, comme on le voit, de 10-11%. Ouais. Et il fait de la politique. Ils sont à égalité, Mélenchon. Donc et c'est Zemmour, un adversaire d'ailleurs politique, et donc il faut se confronter à lui. Il y en a marre que ça monopolise les débats, si vous voulez. Et donc on a aussi envie d'amener Monsieur Zemmour sur d'autres thèmes que les thèmes sur le ton monocorde qu'il emploie toujours de l'immigration. Que répondez-vous à ceux qui disent Jean-Luc Mélenchon se sert d'Éric Zemmour pour relancer sa propre campagne qui stagne? Alors d'abord, notre campagne, elle fonctionne bien en réalité, si on regarde ce qu'on a fait. Ça fait déjà 10 mois qu'on est en campagne et on est très avancé. On a un programme qui sera finalisé incessamment sous peu, bien avant que tous les autres en aient à présenter. On a sur le terrain déjà plus de 250 000 personnes qui soutiennent cette candidature, donc ça avance. Si vous regardez d'ailleurs, parce que j'imagine que vous faites référence au sondage dont vous parlez, si vous regardez y compris l'étiage dans lequel se situe aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon par rapport à la précédente présidentielle, c'est à peu près le même étiage à la même période. Ah ben, et en réalité, ce qui s'est passé la dernière fois, et qu'à mon avis on vérifiera une nouvelle fois cette édition 2022, c'est que les gens certes se réveillent peut-être un peu tard, mais à un moment donné vont bien voir que dans finalement un choix qui s'offre à eux pour 2022... On n'a pas tous les candidats encore. Entre la continuité avec des candidats interchangeables qui appliqueront avec plus ou moins de zèle les directives de la Commission européenne, ou la rupture qu'incarne Jean-Luc Mélenchon pour partager les richesses, pour un retour du pouvoir au peuple par la 6ème République, je crois qu'ils feront ce choix. Mais justement, puisque vous parlez de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on va faire un gros plan, un focus, comme on dit, avec Magali Chalet. On est à un peu plus de 6 mois du premier tour de la présidentielle. Magali, quel est le regard des Français sur le candidat Mélenchon? Eh bien, un peu plus de 6 mois de du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon recueille entre 8 et 11% des intentions de vote, hein, selon les différents instituts de sondage. Selon le baromètre Elab, Les Échos, il est aussi impopulaire que Marine Le Pen, avec 46% des Français qui considèrent qu'il a une image très négative. Seul Éric Zemmour fait pire avec 47%. Et selon un autre baromètre, seuls 19% des Français ont une opinion favorable du candidat. Vous le voyez ici. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que lors des deux précédentes présidentielles? Eh bien, ça dépend. Hein. Pour ce qui est des intentions de vote, c'est mieux qu'en septembre 2011, hein, où 6 mois avant l'élection, il était crédité de 3 à 8% des intentions de vote. En revanche, c'est moins bien qu'en septembre 2016, où il se situait entre 10 et 15%. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est le regard que posent les Français sur le candidat. Hein. Il est passé de 37% d'opinion défavorable en octobre 2011, vous le voyez ici, à 52% en octobre 2016 et à 71% aujourd'hui. Au final, je vous le rappelle, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 11,10% des voix en 2012, mais 19,6% en 2017. Merci Magali. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a sans doute bien sûr un enjeu pour Éric Zemmour de participer à ce débat jeudi sur BFM TV, mais il y a un enjeu pour Jean-Luc Mélenchon. L'enjeu de finalement reconvaincre un peu ces Français qui se sont éloignés de lui. Mais une campagne, c'est nécessairement ça. Et d'ailleurs, ce que va permettre ce débat aussi, c'est qu'il y ait de la confrontation et de la contradiction. Sinon, on a une campagne présidentielle qui démarre où chacun est dans son couloir. Une campagne présidentielle, c'est pas juste les primaires et les désignations de candidats. Il faut qu'il y ait de la confrontation pour que les Français puissent en quelque sorte choisir. Alors là, je vois que vous avez présenté le tableau général. Vous auriez pu dire aussi que on a 59% des Français qui veulent pas que M. Macron se représente, par exemple. Voilà. Mais on le dit aussi. De la même manière, si vous voulez, il y a un enjeu pour nous qui est assez clair. On a commencé notre rentrée politique avec une enquête d'opinion, cette fois sur des mesures programmatiques. Parce qu'on ne cesse de dire, même si je sais que tout est entrepris comme un casting dans la vie politique, mais on ne cesse de dire que l'important pour nous, c'est le programme. Et il se trouve qu'on a fait une grande enquête d'opinion par un institut de sondage pendant l'été sur les mesures programmatiques de Jean-Luc Mélenchon. Et on trouve... pour le programme L'Avenir en commun, sur les mesures les plus structurantes, une quarantaine de mesures qui ont été testées, des opinions extrêmement favorables, de 60 à 90% d'adhésion. Donc par exemple, pour avec votre citer... candidat, alors. Non, mais alors justement, j'y viens. Par exemple, pour vous citer ces quelques exemples des propositions phares de notre programme, il y a 63% des Français qui disent « oui, nous sommes favorables à la convocation d'une assemblée constituante pour passer la 6e République ». Vous avez 74% des Français qui sont pour la hausse du SMIC proposée par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez 80% des Français qui sont pour d'accord. la règle verte, la planification donc, écologique. Donc ça donne donc ensuite, un peu du grain à moudre à ceux qui disent que Mélenchon n'est plus le bon candidat. Puisqu'il y a... Alors le programme est plébiscité, si je vous suis bien, mais il y a un problème avec le candidat, son image qui a été abîmée. Mais sauf que vous n'aura pas échappé une chose, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être séduits ou de tomber amoureux de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le sujet. En revanche, avec Jean-Luc Mélenchon, ils ont un candidat qui dit « quoi qu'il arrive, j'appliquerai ce programme ». Et je crois que les Français, ils auront encore l'occasion de le voir jeudi soir, les Français savent bien que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un candidat qui va virer de bord face aux plus menaçants ou changer d'idée en fonction du sens du vent. Ils ont quelqu'un, en effet, qui leur dit « si vous me donnez mandat populaire pour appliquer ce programme, qui répond aux grands enjeux et qui soulagera votre vie dans bien des aspects », l'appliquerai. Maintenant, revenons quand même sur le débat, parce que c'est un débat qui dévise Mélenchon-Zemmour. Julie, vous comprenez ceux qui s'interrogent. Alors, il y en a qui s'interrogent chez les Insoumis. Pourquoi, tout d'un coup, Jean-Luc Mélenchon change d'avis, etc. Adrien Quatennens vient d'apporter des explications. Il y en a d'autres qui disent aussi, oui, mais Zemmour, il n'est pas encore candidat, alors. Il y a un candidat déclaré et un autre qui joue l'ambiguïté. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement d'orientation dans la politique de la France insoumise par rapport à cette question, puisqu'en 2019, votre parti avait appelé au boycott de la chaîne CNews, et que petit à petit, c'est vrai qu'on vous a vu revenir sur les plateaux pour apporter la contradiction. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui... Aller chez Monsieur Zemmour sur CNews, on n'y allait pas pour une raison, c'est qu'il était à domicile sur son plateau. C'était juste un préalable, et vous allez voir, la suite va vous plaire. Non, mais si votre préalable... Là, il est sur un terrain neutre, c'est ça. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, j'espère, on va voir, c'est vous qui l'organisez. Ce qui est intéressant, c'est que là aujourd'hui, on a le sentiment justement qu'il y a deux gauches. Yannick Jadot, de son côté, a emprunté au vocabulaire de la morale et de la bienséance pour dire c'est une faute, ce débat est immonde. Voyez, on est sur ce champ sémantique. Et vous, la France insoumise, vous faites le pari d'y aller et d'oser la confrontation. Est-ce que c'est pas finalement une ligne de partage que vous allez instaurer entre deux gauches? Pour vous démarquer de vos concurrents Europe Écologie Les Verts et autres tendances écologistes, et qui consiste à dire, nous on est la gauche d'inspiration d'histoire marxiste, celle qui n'a pas peur du débat, celle qui n'a pas peur de la confrontation, du choc des idées, d'un raisonnement charpenté, même si c'est très vigoureux. Une manière aussi de dire, on est la gauche qui sait se coltiner avec le réel, aussi désagréable soit-il. Il y a des gens qui écoutent Éric Zemmour et on pense que c'est mieux d'appréhender ce réel et d'y répondre, plutôt que d'être la gauche tendance écologiste qui se retranche peut-être dans sa tour d'ivoire, dans sa naïveté, dans ses espérances qu'on devrait écarter les réalités désagréables et ne pas les traiter. Et est-ce qu'il n'y a pas enfin derrière ça le souci d'aller chercher ces couches populaires, d'aller parler aux couches populaires qui sont plus spontanément séduites par le discours de l'extrême droite, mais qui peuvent faire aussi le fond de votre électorat? Bon, plusieurs choses. D'abord sur le rapport des autres. Vous voyez, c'était à pas cette désagréable question. Du tout. Non, mais je disais juste et j'insiste sur l'idée que notre motivation de ne plus aller sur CNews pour les émissions où Monsieur Zemmour était présent, c'est que, en l'occurrence, dans cette chaîne, il jouait à domicile, sans contradiction. Et d'ailleurs, on voit bien, enfin voilà, quand vous regardez le journal télé de cette chaîne, je veux dire, c'est uniquement toujours les mêmes thèmes. Quel que soit le problème, c'est l'immigration, etc. Donc bon. Donc, première chose, d'abord, sur la méthode. Pour nous, c'est clair. Jean-Luc Mélenchon a toujours été en pointe dans les débats et la confrontation face à l'extrême droite. Nous ne croyons pas qu'on peut lutter contre l'extrême droite en pleurnichant sur les thèmes qu'elle met en circulation, en solo sur des plateaux de télévision. Donc, il y a plusieurs ministres, déjà, de Monsieur Macron. Je crois qu'il y en a 9 qui ont débattu avec Monsieur Zemmour. Il n'a fait que monter. Il est temps que quelqu'un de sérieux s'en occupe. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon va le faire baisser. Ben écoutez, attendez, c'est l'objectif. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les téléspectateurs qui regarderont ce débat verront une confrontation entre deux idées de la France. Mmh. La France que défend Monsieur Zemmour n'est pas la France, je le dis. On est aujourd'hui le 21 septembre, c'est l'anniversaire de la République. C'est la République qui fonde la nation en France. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui fait qu'on est français en République, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni une culture particulière. C'est un contrat politique entre nous toutes et tous qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Point barre. Voilà. Oui, et donc, vous allez un cran plus loin. Est-ce que vous ne regrettez pas que la gauche d'inspiration écologiste ne prenne pas sa part aussi du combat que vous allez mener? Écoutez, moi, je regrette que par exemple. La gauche, vous y êtes tout seul, en fait. Je regrette que, par exemple, Yannick Jadot considère que pour battre l'extrême droite, il vaut mieux être, en effet, en solitaire sur les plateaux télé à pleurnicher, ou même parfois, à perdre sa boussole pour aller manifester avec M. Zemmour, en l'occurrence, devant l'Assemblée nationale, à l'appel de certaines organisations policières qui avaient des revendications factieuses. Vous savez, quand les policiers sont endeuillés, on est toujours, on sera toujours à leur côté. Pour autant, c'est pas parce que les policiers sont endeuillés qu'il faut perdre sa boussole politique et accepter d'aller à côté de manifestants qui ont des revendications comme ceux qu'on a vus devant l'Assemblée qui disaient « si la manifestation est importante, peut-être qu'on pourra passer outre la Constitution et la loi ». Nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, même quand il faut du courage politique parfois pour être un peu seul contre tous, lui, il tient fermement cette boussole républicaine jusqu'au bout. Et peut-être que les gens finiront par s'en apercevoir. Alors ensuite... Alors, attendez, parce que Laurent Neumann, je voudrais rebondir sur ce que dit Adrien Quatennens. Mais moi, il y a juste une chose, si vous me permettez. Vous avez dit aussi, vous adressez à l'électorat populaire, etc. On sait que parmi les gens aujourd'hui qui votent à l'extrême droite, il y a des gens qui sont convaincus par les thèses folles de M. Zemmour, qui pensent que le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes, qui pensent que voilà que l'immigration est le seul problème et c'est le mot de toute notre société. Gauche, non, mais justement, il y a une chose qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est de dire le rôle de cette extrême droite et de cette zémourisation politique médiatique, c'est de faire en sorte que là où toutes ces personnes auraient finalement des causes communes à défendre. Regardez le dernier rapport du Secours populaire. Quand on voit qu'un Français sur trois peine à payer son loyer, quand on voit qu'un Français sur trois déclare devoir sauter des repas pour pouvoir finir les mois correctement. Bref, quand on voit la situation sociale, remarquez comme la question sociale a disparu des débats. Et systématiquement, quand on pourrait faire en sorte de s'agglomérer, de se regrouper, des gens qui ont peut-être une couleur de peau différente, une religion différente, et peu importe d'ailleurs, eh bien finalement, on instille le poison de la division avec ce type de thème. Et parfois, c'est dangereux. Jean-Luc Mélenchon l'a dit l'autre soir, vendredi, il va témoigner dans un procès à Marseille pour les menaces qu'il a eu à subir d'un attentat où on voulait s'attaquer à lui au lance-flammes. Et l'idéologie qu'il y avait derrière, c'était l'idéologie du grand remplacement qui est portée dans finalement la tiédeur des plateaux de télévision. Il faut y mettre un coup d'arrêt. Oui. Adrien Quatennens, il dit finalement Mélenchon-Zemmour, c'est clair, c'est deux visions de la France, c'est vraiment un débat d'idées, et ces deux propositions, on va sortir un peu des propositions tièdes qu'il y a ailleurs. Ah bah ça, je crois que ça ne fait doute pour personne que ce soit deux visions de la France. Oui, Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Zemmour de l'autre, ils n'ont pas du tout la même idée de ce que fut la France, de ce qu'est la France et ce que doit être demain la France. Ça ne fait aucun doute. D'abord, juste un mot sur le débat. Je trouve ça toujours extrêmement suspect. Ceux qui, avec des arguments très intelligents, expliquent que le débat ne doit pas avoir lieu. Alors là, je dois dire que moi, je tombe des nues. Ça doit peut-être être ma déformation professionnelle, je sais pas. Oui. Mais et les gens qui disent « Ah non, ces deux-là, là, il faut pas qu'ils débattent, c'est pas bien », franchement, je ne comprends pas. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucun argument valide. La deuxième chose, c'est qu'il leur faut une forme de courage à tous les deux. Parce que Zemmour, il choisit pas la facilité d'aller affronter Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même l'un des meilleurs débatteurs. Et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il choisit pas la facilité parce que s'affronter à Éric Zemmour dans un débat où Éric Zemmour sera à la fois le polémiste qu'on connaît et le candidat putatif que tout le monde attend. Ils ont vraiment beaucoup à perdre tous les deux. Eh ben est-ce non, qu'ils n'ont pas tout à gagner tous c'est les ce deux. Que j'allais dire. Ils ont tout à gagner. Je lis dans vos pensées, Laurent. Et ça, Adrien Quatennens ne l'a pas dit, mais je sais qu'il le pense. Pardon d'être dans votre tête, mais le plus grand réservoir de voix de toutes les formations politiques, c'est l'abstention. Si vous ne créez pas des moments politiques où vous allez parler aux gens que la politique rebute ou qui ne croient plus à la politique, ceux-là, vous n'avez aucune chance de les convaincre. Ce débat-là, il va leur parler à eux aussi. Et puis deuxième intérêt pour Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, c'est pas comme on le dit de relancer sa campagne, c'est d'obliger Zemmour à sortir de l'ambiguïté et à parler de sujets qui ne sont a priori l'économie, pas les siens. Le social. L'économie, le social, l'écologie, la santé, le travail, l'éducation. Est-ce qu'il y a autant de différences que ça entre les deux sur la place de la France, tiens, par exemple, dans la crise des sous-marins, pression qu'ils sont à peu près d'accord là-dessus, sur on se dégage de l'OTAN et on fait un bras d'honneur aux Américains et on retrouve une souveraineté. Est-ce que sur la réindustrialisation du pays, ils ne sont pas plus sur des points communs que des points de divergence? Alors, Jean-Luc Mélenchon, je peux vous répondre juste sur la souveraineté nationale. Je peux vous répondre sur le premier point. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon aurait osé faire la vidéo qu'a faite Éric Zemmour avec les moulures au plafond derrière, ouais, dans la posture d'un président qui m'a fait penser, pour vous dire la vérité, à Donald Trump sur Make France Great Again, en gros. Ouais. C'est on est humilié, avec moi, la France n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre de son livre. Franchement, je pense pas que Mélenchon aurait osé faire ça. Maintenant, la question de la souveraineté, pardon, elle traverse toutes les formations politiques. Bien sûr que Macron, Montebourg, Hidalgo, Mélenchon, tout le monde a le mot souveraineté à la bouche. La question, c'est comment on y parvient. Certains le portent depuis plus longtemps que d'autres. C'est vrai. Adrien Quatennens. Non mais, Attendez, on a le justement, vous parliez de Zemmour qui s'adressait directement à Emmanuel Macron à propos de la crise de sous-marins. On va regarder ça et vous allez dire ce que vous en pensez, Adrien Quatennens. Les réactions d'Emmanuel Macron qui surjoue l'effroi, qui surjoue la colère, qui ramène les ambassadeurs américains et anglais, ces ambassadeurs français, en vérité, sont d'une grande naïveté et d'une grande puérilité. Il faut, au contraire, prendre des positions beaucoup plus fermes. Par exemple, refuser d'aller à la conférence des démocraties que veulent organiser les Américains en décembre pour rameuter tous les alliés occidentaux contre la Chine. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait pas dire la même chose? Je sais pas, je trouve ça très confus en fait. J'ai l'impression qu'Éric Zemmour, d'ailleurs, dès qu'il sort de ses thèmes de prédilection, il y a relativement beaucoup de confusion. En revanche, il a été très clair ces derniers temps sur des sujets qui émeuvent beaucoup dans le pays et qu'on ne peut pas laisser dire comme ça a été fait. Quand on l'entend parler des prénoms, quand on l'entend parler des victimes de Mohamed Merah, ou quand il fait sans contradiction son développement sur la peine de mort. Non, maintenant il faut de la contradiction. Et donc oui, je pense qu'en effet, il faut une forme de courage politique pour aller l'affronter. Et que c'est en étant pied à pied sur le terrain des idées qu'on va réussir à faire reculer l'extrême droite et de prendre à témoin, en effet, les Françaises et les Français qui peuvent parfois être tentés. Pour dire, messieurs, dames, vous croyez franchement que ce sont les musulmans ou l'immigration qui ont fermé les usines en France et qui font que vous subissez la situation sociale que vous subissez? Vous croyez que ce sont les musulmans et les migrants qui sont responsables d'un partage des richesses? Oui, mais je remarque que vous voulez aller sur le terrain de l'islam et des prénoms, pas tellement sur le terrain de la souveraineté, peur peut-être d'avoir des points communs, d'avoir des convergences. Vous savez, il n'y a aucune peur d'avoir des points communs, parce que quand on voit toutes les abjections et les choses horribles que raconte Éric Zemmour sur beaucoup de sujets, on ne pourra pas être confondu. Nous sommes dans l'histoire comme aujourd'hui, les adversaires résolus de l'extrême droite. Ça a le mérite d'être clair. Je suis pas certain que Monsieur Zemmour ait l'intention de partager les richesses dans ce pays, d'augmenter les salaires, etc., etc. Julie Graziani. Ça va être toute la difficulté pour Jean-Luc Mélenchon, parce que en réalité, au débat de jeudi soir, son interlocuteur n'est pas tant que ça Éric Zemmour. Son véritable interlocuteur, c'est tous ces Français qui vont être devant leur télé, qui fournissent les cohortes de l'abstention ou qui fournissent les cohortes des électeurs potentiels de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Et c'est à ceux-là qu'il doit s'adresser pour les convaincre et les ramener. Et s'il les ramène, ça ne peut être en effet que sur ces thèmes que vous avez cité du social, de comment on relance une stratégie en vue d'augmenter le pouvoir d'achat, etc., etc. Et c'est en prenant soin de dissocier les sujets que vous avez cités également, qui sont les sujets sur lesquels vous ne pouvez évidemment pas faire semblant ou apparaître comme ayant la moindre complaisance ou la moindre convergence. Mais tout en montrant aussi qu'il peut y avoir des convergences et un souci, des préoccupations de ce même électorat qui cède aux sirènes que par ailleurs vous vilipendez. Non mais vous savez, il y a une chose qui est très claire que vous avez perçue, c'est que notre sort est scellé à la question de la participation populaire. Ça, tout le monde nous le dit, tous les spécialistes nous le disent. Plus la participation à l'élection présidentielle progresse, plus Monsieur Macron se tasse, plus la droite se tasse, plus la gauche traditionnelle se tasse et plus nous montons. Donc pour nous, en effet, l'enjeu est moins de scruter à la loupe les intentions de vote pour tel ou tel de nos concurrents, de nos voisins, que de convaincre la grande masse qui s'abstient en leur disant quelque chose d'assez simple. Vous avez intérêt à ce que ça change. Vous avez vécu 3 quinquennats qui étaient censés incarner l'alternance politique. Vous avez Monsieur Sarkozy qui était étiqueté à droite, Monsieur Hollande étiqueté à gauche, Monsieur Macron qui a pulvérisé tout ça en nous disant « En même temps, maintenant, moi, je change tout ». Et en réalité, qu'est-ce qui a changé profondément pour vous? Vous avez 6 Français sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat pendant le quinquennat de Monsieur Macron. Quand il est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient 570 milliards de patrimoine, elles en possèdent le double et il y a 3 millions de pauvres en plus. Voilà le bilan de Monsieur Macron. Et moi, ces gens-là, je leur dis une chose, vous avez intérêt à ce que ça change, vous êtes en colère, je vous fais pas la leçon, vous avez 1000 raisons d'être en colère. Mais une chose est claire, c'est que vu comment les règles sont faites, Si vous restez à la maison au mois d'avril 2022 en pensant que c'est comme ça qu'on exprime la fronde, vous aidez monsieur Macron. Et rendez-vous. De fait. Donc on a besoin rendez-vous de faire rendez-vous jeudi et de faire en sorte que les gens comprennent qu'avec un bulletin de vote, on peut véritablement changer les choses, rendez-vous. Surtout pour la présidentielle. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. J'espère que ça soit utile que je vienne. Ça fait un petit coup. Ça fait. Ah, j'ai été bien reçu, je voulais vous remercier. J'y suis sensible, vous savez, ma longue vie de militant, j'ai commencé tôt, hein, comme quelques ans ici, m'a appris ce que c'est qu'une lutte. Et je sais que la première des choses qu'il y a à dire à propos d'une lutte, c'est que c'est dur. Parce que, évidemment, le bourgeois, il regarde ça de loin. Et pour lui, les gens qui sont dans la rue, ils se promènent. La grève, bah, ils bossent pas. Voilà. Ils ont cette vision-là de ceux qui travaillent et qui font 100% de la réalité dans laquelle nous vivons. S'il n'y a pas du travail humain, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais ils l'oublient parce qu'ils ont l'impression que ça va tout seul, quoi. Et alors un jour, il n'y a pas de bus. Alors comment il n'y a pas de bus? Mais qu'il y ait des bus, ça leur paraît aussi naturel que le printemps, l'hiver, l'automne. Et tout d'un coup, ils réalisent que pour qu'il y ait des bus, bah, faut qu'il y ait des gens qui les astiquent, qui les entretiennent, qui montent dedans, qui les conduisent, qui tâchent de tenir les horaires. Et, mais la vérité, c'est que quand la lutte commence, elle est dure. Et la première chose que je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi tu dis tout le temps les gars, on m'a dit qu'il y avait une fille aussi là qui était là. Bah, venez, venez madame, comme ça, ça va un peu rééquilibrer là. Venez, venez. Je sais pas qui vous êtes, moi je m'occupe pas de ça. Voilà. Mais je vous connais, chacun. Je sais qui vous êtes et comment ça se passe. Alors la première chose que je vais vous dire, soyez solidaires de vos porte-paroles. Aidez-les. Ne les laissez pas tout seuls. Vous savez, quand on marche devant, les autres vous ont poussé devant, parce qu'on est tous comme ça. Hein. Alors il y en a un ou il y en a une qui a la langue bien pendue. Alors il sait pas comment, il se retrouve devant. Et après, des fois, ça dure toute la vie. toute la vie, bah, on dit ah, bah, c'est elle qui a un prêtre. La dernière fois, elle a dit un truc, oh, c'était bien, allez, viens, c'est toi qui cause. Bon. Et les gens qui sont devant, c'est souvent des syndicalistes. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Et des fois, vous n'avez pas toujours été si réglo que ça avec les syndicalistes. C'est-à-dire que le reste du temps, hein, et puis tout d'un coup, ça va mal. Alors là, on va chercher le syndicaliste. Et le syndicaliste, lui, tous les jours, il se lève et il se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et tout le monde lui dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore pas réglé, dis donc, c'est quand même toi qui es syndicaliste. Alors, ça fait 3 jours que ça dure. Bref, la pression, elle est là. Déjà, ceux-là, il faut les protéger, il faut les entourer, il faut leur faire de la fraternité, parce que tout ce qui va chaud au cœur aide à se tenir debout. La deuxième chose, je le sais, c'est la difficulté à la maison, parce qu'il n'y aura pas la paye, parce qu'elle va être amputée. Et ça fait marronner, comme on disait avant, ça tourne dans la tête, ça vous bouffe. Hein ? Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait ? Maintenant, j'ai commencé quelque chose, j'ai une dignité, je vais pas arrêter, donc je continue avec les copains, mais à la maison, ça passe plus ou moins bien. Hein ? Donc c'est dur. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien qu'il y ait une caisse de grève, et puis nous, on y participera, le groupe des parlementaires insoumis, on mettra aussi notre... Alors, ouais... Parce que d'abord, on a besoin que vous gagniez. Mais je vais encore dire un mot sur les aspects humains de la lutte. Après, bon, ils vous envoient du papier pour vous faire peur. Et il faut dire ce qui est. Ça fait peur. Il ne faut pas dire « ça fait pas peur ». Si, ça fait peur. Et pourquoi elle a raison de vous dire, de vous en parler. Parce que sinon, chacun reste dans son coin avec son papier et il a peur tout seul. Tandis que quand on est plusieurs à avoir peur, on n'a plus peur. C'est humain, c'est comme ça. Si vous vous y mettez à plusieurs, vous n'avez plus peur. Si vous êtes tout seul, vous avez peur. Et c'est normal d'avoir peur quand on est tout seul. On est fort parce qu'on est nombreux. Et la dernière chose sur ces aspects humains, c'est l'opposition, quand ils essayent d'opposer les usagers à ceux qui font la grève. Alors ça, bon, vous le prenez dans la tête. Moi, ils me font marrer. Ils ne manquent pas de souffle quand même. Quand même, ils ne manquent pas de souffle. Parce que alors, à votre avis, c'est qui les usagers? C'est pas eux, hein? Ils ne montent pas dans les bus, eux. Qui c'est qui monte dans les bus? Vos époux, vos épouses, les gens de la SNCF qui veulent privatiser, ceux d'EDF qui veulent privatiser, les gens qui vont au boulot tous les matins et qui payent ça de plus en plus cher pour le transport, etc. Et ils osent venir dire « Ah, mais c'est vous qui nuisez aux usagers ». C'est pas vous qui nuisez aux usagers, c'est eux. Toute la vie, toute l'année, toute la journée, tous les mois, tous les ans. Ils passent leur temps à traiter la masse humaine des Françaises, des Français, tous ceux qui sont là, comme un bétail qu'on peut peler et peler et peler encore. Parce que quelle est la limite à l'exploitation? Quelle est-elle sur le plan économique? Est-ce qu'il y en a une? Eh bien, je vais vous dire, il n'y a qu'une limite à l'exploitation. C'est la résistance à l'exploitation. Si vous ne résistez pas, ils vous pèlent encore. Et s'il en reste un petit bout, ils vous le parlent aussi. Par conséquent, ça, c'est en général les luttes. Après, il y a celle-ci. Comme on est là. Alors, il faut qu'on redise des choses qui doivent être dites. Le service privé, sur des situations de fait de monopole, ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir de la concurrence sur, par exemple, une ligne de bus. Ça sert à quoi? Mieux vaut avoir un bon service de bus régulier qui circule bien. Et pour que ça circule bien, il faut du bon matériel. Il faut des gens qui ne soient pas crevés au volant, ni non plus dans la réparation. Donc, la qualité du service va dépendre du service, pas de la concurrence. La concurrence ne règle absolument rien dans les 3/4 du temps sur toutes les situations de monopole. Or, le transport, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez une voie de chemin de fer, ça ne sert à rien d'en faire deux, on est d'accord? Donc, quelle peut être la différence? Vous demandez ça aux copains de Sudrail, j'ai fait des trucs avec eux aussi, là. Quelle est la différence? Ben, c'est qu'ils payent moins les gens, donc ils sont censés demander moins. Ce n'est pas vrai. Ils vous disent la concurrence va baisser les prix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Ils ont privatisé le gaz et il s'est augmenté de plus de 50% en 10 ans. Ils ont privatisé une partie de l'électricité, ça coûte plus cher, etc., etc., virgule, et comme a dit le camarade tout à l'heure, et ça marche moins bien. Nécessairement, ça marche moins bien, parce que là encore... Quelle est la résistance à l'exploitation? S'il y en a une, eh bien vous résistez, eh ben sinon vous supprimez un gars ou une fille, et puis l'autre fait le travail de deux. Et voilà. Résultat, c'est le chaos, comme l'a décrit le camarade tout à l'heure. C'est le chaos. Et dans les pays où ils ont tout privatisé parce qu'ils se croyaient plus intelligents que tout le monde, Eh bien, ça a donné qu'il n'y a plus rien qui marche. Et donc, l'Angleterre est obligée de renationaliser le transport. L'Écosse a décidé de renationaliser le transport. Parce que ça ne marche que si c'est un monopole bien géré. Et un monopole bien géré, il faut le rappeler, c'est un monopole dans lequel les travailleurs sont heureux de vivre. Si vous mettez des gens malheureux partout, il n'y a rien qui est fait bien. On le sait bien parce qu'on n'est que des êtres humains. Pardon, on s'excuse, hein. On n'est que des êtres humains. On a des affections, on a des problèmes dans notre vie, et notre vie, ça compte. Et ça compte jusque dans notre tête quand on est au boulot. Il ne faut pas croire que ça s'arrête. Alors, c'est vrai que quand on est au boulot, on pense au boulot, mais il y a tout ça derrière. Donc, les gens ont le droit d'avoir une vie humaine, c'est-à-dire d'être des êtres humains, avec tout ce qui est dans la vie et la tête d'un être humain. Les travailleurs qui sont heureux à leur poste de travail, eh bien, il faut un meilleur travail. Et être heureux à son poste de travail, c'est ce que la plupart des gens cherchent à obtenir. Parce que quel que soit le travail qu'on fait, et il n'y a pas de vain travail, il n'y a pas de travail inutile, eh bien tout le monde, quelle que soit la nature de son travail, même s'il est dur, même si souvent il est ingrat, eh bien on aime faire bien son travail. Moi, j'ai jamais rencontré des masses de gens qui étaient des tirs au flanc et qui espéraient rien foutre ou faire tout de travers. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il peut y avoir des fois un phénomène, un énergumène par-ci, par-là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. M. Macron, il dit des énormités. Personne ne lui demande comment il finance tout ça. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Gérald Darmanin, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Oui. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de la dignité de votre question? Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Cela fait à peine plus d'un an qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, et pourtant, vous avez probablement beaucoup entendu parler de lui. Tantôt qualifié d'autoritaire, de brillant, de dangereux ou de menteur pathologique, qui est le premier flic de France? Réponse tout de suite dans ce nouveau portrait de ministre. Gérald Darmanin vient de Valenciennes, d'une famille très catholique et plutôt modeste. Il effectue sa scolarité dans un établissement privé catholique réputé au cœur de Paris, avant d'entrer à Sciences Po Lille. Mais comment est-il monté aussi haut et aussi vite? Il faut dire que Gérald Darmanin a commencé la politique très tôt. À 16 ans, il adhère au RPR, l'ancêtre des Républicains. À 22 ans, il rejoint le politique Christian Van Est, qui vient pourtant de se faire condamner en première instance pour propos homophobes. On ne peut pas mettre sur le même niveau quelque chose qui est fondamental dans l'humanité, qui permet notamment à l'humanité de se perpétuer, et autre chose qui relève de la vie privée, mais qui n'a pas à être considérée sur le même plan, c'est tout. Aujourd'hui, cet ancien mentor est un peu embarrassant pour Gérald Darmanin, puisque Christian Van Est a depuis prôné une alliance avec le Front National, a donné sa voix à Marine Le Pen au deuxième tour et collabore avec Robert Ménard. Un an plus tard, il lui succède comme délégué de l'UMP dans la 10e circonscription du Nord. Pendant ce temps-là, il écrit aussi quelques articles pour Politique Magazine, l'organe de presse de l'Action Française, un mouvement politique nationaliste et royaliste d'extrême droite. Il essaiera de s'en distancier un peu plus tard, mais Action Française affirmera qu'il était bel et bien adhérent et qu'il a en plus participé à un de leurs camps d'été. Selon la journaliste Anne-Sophie Mercier, Gérald Darmanin adopte alors une position catholique traditionnaliste à tendance intégriste et une position homophobe. Des positions homophobes qu'il réitérera en 2013 en s'opposant fermement au mariage pour tous. Quelques années plus tard, Gérald Darmanin reviendra sur ses propos qu'il dit regretter et justifiera par un manque d'expérience. En 2010, il est élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et devient député de la 10e circonscription du Nord en 2012. Lui aussi fait partie des nouveaux députés, Gérald Darmanin, élu UMP dans la 10e circonscription du Nord. Dès les premiers mois de son mandat, il appelle la ministre des Sports à interdire le port du voile sur les terrains de football de notre pays et se fait remarquer pour sa lutte contre l'enseignement de la soi-disant théorie du genre à l'école, qui s'avère être une rumeur de l'extrême droite. Il est également très virulent à l'égard de Christiane Taubira, qu'il qualifie de tract ambulant pour le FN, ce qui déclenchera une réponse très agacée de sa part. Lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. En 2014, nouveau mandat, il devient maire de Tourcoing. Gérald Darmanin, 32 ans, député de la 10e circonscription du Nord et maire de Tourcoing depuis mars 2014. Début 2012, il soutient Xavier Bertrand pour la présidence à la tête de l'UMP, avant de soutenir François Fillon en 2012, avant de finalement soutenir Nicolas Sarkozy en 2014. Nicolas Sarkozy gagne la présidence de l'UMP et Gérald Darmanin est nommé secrétaire adjoint aux élections. Retenez bien cela, car Nicolas Sarkozy va devenir une sorte de mentor, au point que leur relation quasi-filiale a fait l'objet d'un livre entier. Parallèlement, il est le directeur de la campagne de Xavier Bertrand au régional, celui-ci gagne, et Gérald Darmanin est élu vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France. Si vous avez bien suivi, Gérald Darmanin se retrouve avec beaucoup de mandats, beaucoup trop de mandats cumulés, alors il doit démissionner du poste de député en plein milieu. En 2016, il soutient Nicolas Sarkozy, avant de soutenir François Fillon lorsqu'il gagne la primaire. Mais lorsque les affaires Fillon sortent, il lâche finalement le candidat. Parallèlement, il publie cette tribune. Une critique sévère d'Emmanuel Macron, qu'il qualifie de poison de la France, de démagogue et de produit du système. Monsieur Macron, il dit des énormités. Personne ne lui demande comment il finance tout ça. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays, d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative. Et ben, dans quelques semaines, la bulle va exploser. Au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté Monsieur Macron et Madame Le Pen. Quelques mois plus tard, Emmanuel Macron est élu et Édouard Philippe lui propose le poste de ministre de l'Action et des Comptes Publics, ce qu'il accepte. C'est le retournement de veste de trop. Il est exclu des Républicains le 31 octobre 2017 et dans la foulée, il adhère à La République En Marche. Il est ministre et n'a donc pas le droit, selon une règle tacite de l'Élysée, d'être maire en même temps. Alors, il échange les rôles avec son premier adjoint de Tourcoing. Mais pas de panique, il lui reste encore quelques fonctions supplémentaires ailleurs, puisque selon Alternative Économique, au 15 août 2017, soit 3 mois après sa nomination, il cumule encore 26 autres postes en parallèle du ministère. Mais son poste de maire semble lui manquer. En 2020, il se représente à la mairie de Tourcoing, il gagne, et menace alors le président de la République et le premier ministre de quitter le gouvernement s'ils ne lui font pas une dérogation. Ils acceptent et Gérald Darmanin peut donc cumuler les mandats malgré les promesses présidentielles. Il cumule aussi une partie des indemnités qui vont avec. Gérald Darmanin dépasserait donc le plafond légal autorisé selon le journal L'Obs, mais le ministre indique ne pas être au courant de cette règle. Finalement, il quitte son poste de maire lorsqu'il est nommé ministre de l'Intérieur en juillet 2020 Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment être sous le feu des projecteurs. Plusieurs affaires ressortent à sa nomination qui provoquent la colère des féministes. Nous refusons fermement qu'un violeur et un défenseur de violeurs représentent le peuple et notamment quand leurs postes ont pour mission la direction des institutions policières et judiciaires cruciales dans la lutte contre toutes les formes de violence. La première date de 2015. Gérald Darmanin est accusé d'abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing qui porte plainte en février 2018. Elle l'accuse de l'avoir obligée à des relations sexuelles en échange de l'obtention d'un logement et d'un emploi. Gérald Darmanin la poursuit alors en justice pour dénonciation calomnieuse. L'affaire est classée sans suite. Gérald Darmanin retire sa plainte. L'enquête est réouverte, puis à nouveau classée sans suite. En 2009, Sophie Patterson-Spatz, une sympathisante de l'UMP, contacte le parti pour tenter de faire annuler une condamnation dont elle fait l'objet. Gérald Darmanin, qui est alors conseiller municipal et communautaire, lui dit qu'il veut bien l'aider, mais seulement en échange de faveurs sexuelles. Elle accepte. S'ensuit un rapport sexuel que Gérald Darmanin qualifiera plus tard de moment de gêne et d'excitation. En 2017, Sophie Patterson-Spatz, elle, qualifie ce rapport de non consenti et porte plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. J'ai pas réussi à partir. J'étais anéantie, quoi. J'avais pas le choix. Je pouvais pas partir. Il avait ma vie entre ses mains, quoi. J'ai jamais eu d'échange, quoi. Et ça, je le supporte pas qu'on me dise que j'ai fait un échange. Il n'y a pas eu d'échange. Ça a été sa décision. L'affaire est classée sans suite en 2017. L'enquête est réouverte et refermée plusieurs fois suite à de nombreuses procédures judiciaires que nous n'allons pas détailler ici. La dernière en date étant la réouverture de l'enquête par la Cour d'appel de Paris qui est toujours d'actualité. Si votre question c'est est-ce que vous avez pu être léger, est-ce que vous avez pu envoyer des SMS un peu lourds, est-ce que j'ai déjà pris des vents, la réponse est oui, j'ai sans doute dû être pas très fin. Gérald Darmanin a là aussi entamé des poursuites judiciaires contre la plaignante pour dénonciation calomnieuse. En juillet 2020, Mediapart révèle des SMS du ministre qui s'est montré très insistant en envoyant une quarantaine de messages à la plaignante. Et c'est l'ensemble de cette affaire qui a provoqué la colère des féministes depuis sa nomination. Gérald Darmanin, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Oui. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de la dignité de votre question? On ne comprend pas pourquoi une personne qui fait l'objet d'abus de faiblesse, d'une enquête pour abus de faiblesse, pour harcèlement sexuel et pour viol, fasse partie d'un gouvernement. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est que on a affaire à une personne qui fait partie du gouvernement, qui a avoué avoir demandé une faveur sexuelle en échange d'une faveur pour cette personne, et c'est ça qui est problématique. Malgré la contestation, il est tout de même devenu ministre de l'Intérieur, défendu ainsi par Emmanuel Macron. Il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. Monsieur le Président. Et je sais que lui-même, d'ailleurs, est sensible à cela pour pouvoir exercer dignement ses fonctions. Dès sa prise de fonction, Gérald Darmanin se fait remarquer par cette petite phrase. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Toujours selon les enregistrements, Cédric Chouviat, alors menotté, répète « j'étouffe » à 7 reprises. Les policiers le gardent pourtant plaqué au sol pendant de longues minutes. Il appelle également à stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. Moi, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté depuis un petit moment que je suis un élu local et que j'ai constaté des actes de sauvagerie. L'ensauvagement, un terme popularisé par l'extrême droite. Le concept d'ensauvagement prend son envol au sein du Front National avec la sortie d'un livre. Ce livre, c'est celui-ci, France Orange Mécanique, de Laurent Oberton. C'est un livre qui donc a fait polémique parce que l'auteur, donc non seulement il décrivait des politiques supposément laxistes, une insécurité explosant et accessoirement faisant le lien entre insécurité et immigration. Ce concept est désormais une référence pour Marine Le Pen, qui a d'ailleurs présidé à l'Assemblée nationale en 2018 un colloque intitulé « De la délinquance à l'ensauvagement ». Il affirme ensuite qu'en arrivant, l'un de ses premiers gestes en tant que ministre a été de ne pas garder dans la police un agent qui avait porté un écusson qui rappelait le Troisième Reich. Sauf que non, c'est faux, comme le démontre Libération dans un article intitulé « Le mytho de l'intérieur ». dès le mois d'octobre 2020. Il se fait le promoteur de la très controversée loi sécurité globale. Cette proposition de loi accroît les pouvoirs des polices municipales, permet l'usage de drones en manifestation, l'élargissement de l'accès aux images des caméras de vidéosurveillance, la transmission d'images mobiles en temps réel dans les salles de commandement. Elle permet également aux policiers d'accéder à des établissements recevant du public en ayant une arme à feu sur eux, y compris dans des bars ou les boîtes de nuit. Gérald Darmanin défend l'article 24 qui vise à pénaliser l'usage malveillant d'images des forces de l'ordre. Cet article 24, il vise effectivement à ne pas jeter en pâture les policiers et les gendarmes qui font un travail extrêmement difficile. Dans la foulée, il invoque à tort l'affaire d'un couple de policiers assassinés, selon lui, à cause de la diffusion de leurs images, sans que cela ne soit jamais prouvé par l'enquête. La proposition de loi provoque un tollé et est dénoncée par l'ONU, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et de nombreuses ONG pour atteinte à la liberté d'expression ou encore au respect de la vie privée. Cette loi est définitivement adoptée en avril 2021, mais le Conseil constitutionnel censure quelques articles controversés un mois plus tard. Entre-temps, ces images d'un producteur de musique tabassé font le tour des médias. Gérald Darmanin défend la police et assure que la préfecture n'avait pas d'image de l'agression avant leur diffusion par Loopsider. Et il a fallu attendre mardi pour que le procureur de la République de Paris saisisse l'IGPN pour une enquête. Il n'y a pas d'images qui sont données. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, n'a pas eu accès à des images. Et ces images, elles ont été mises en ligne par le site informatif que nous connaissons. Sauf que c'est faux, encore une fois. C'est démenti par le journaliste de Loopsider et par le procureur de la République de Paris. La vidéo issue du système de vidéoprotection du local était également saisie sur indication de M. Zecler. Elle était exploitée par les enquêteurs dans la journée du 23 novembre. Un mois plus tard, Gérald Darmanin se fait remarquer par des propos jugés antisémites dans son dernier livre. Il compare l'action qui est la sienne à celle de Napoléon vis-à-vis des Juifs de France. Certains d'entre eux, écrit M. Darmanin, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Cet homme ne sait plus, car ce que je viens de lire, c'est les pires, les plus coutumiers clichés antisémites de notre histoire. Autre grand projet de Gérald Darmanin, la loi confortant le respect des principes de la République, dite aussi loi séparatisme, adoptée en juillet 2021. Le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical. Cette loi complexe est censée viser l'islam politique, mais rencontre une forte opposition défenseurs des libertés publiques, au motif notamment d'une remise en question de la loi de 1905 aux libertés de culte, d'association et d'enseignement. Même si aucune religion n'est citée dans le projet de loi, c'est bien le dévoiement de l'islam qui est visé par le gouvernement. Et cette loi, il va en discuter avec Marine Le Pen, justement, avec qui il va débattre sur France 2 en février dernier. Le simple fait qu'il ait accepté ce débat fait polémique, car un ministre de l'Intérieur qui dialogue avec la chef de l'extrême droite, c'était une première. Je reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. Et ça n'est pas du tout le cas de la loi. Mais ça va aller encore plus loin. Pendant cette émission, Gérald Darmanin se positionne à droite de l'extrême droite. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci de... Non, mais c'est pas Marine Le Pen. Mais je dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Le journaliste au Monde, Abel Mestre, qualifiera cela de dédiabolisation par procuration. Gérald Darmanin tient absolument à rester populaire auprès des policiers, à tel point qu'en mai 2021, le ministre de l'Intérieur participe à une de leurs manifestations pour réclamer davantage de moyens et exiger plus de sévérité à l'encontre de leurs agresseurs. Là encore, c'est une première pour un ministre. Il fait alors du ministre de l'Intérieur le représentant des policiers, quand son travail consiste normalement à gouverner la police. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. Merci. Mais la promesse ne semble pas convaincre. Le ministre de l'Intérieur est hué. Au cours de cette manifestation, de vives attaques sont proférées contre la justice. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice ! La justice ! La justice doit rendre des comptes ! De quoi inquiéter jusqu'à d'autres ministres du gouvernement. Ce qui me semble dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence la justice et la police. Les policiers, les magistrats de ce pays sont dans la même barque républicaine. N'opposez pas, s'il vous plaît, deux grandes institutions de la République. C'est insupportable, ça. Autre grand axe de la politique de Gérald Darmanin, la lutte contre la drogue et particulièrement contre le cannabis, dont il fait une priorité nationale. Il y a tous les jours des associations, des parents, des policiers, des élus locaux qui concrètement luttent contre cette merde. Qu'est la drogue ? Cette merde, la drogue, c'est de la merde. Il crée donc une nouvelle amende de 200 euros pour les fumeurs de joint. Quelques mois plus tard, il en remet une couche et se lance dans une grosse campagne de communication avec une nouvelle proposition, une plateforme pour signaler les points de deal, puis, en mai 2021, une amende contre les guetteurs. Avec l'idée, et c'est l'idée avancée par le ministre de l'Intérieur, que le citoyen peut participer à l'action de la police. Ce tweet assez mythique de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 septembre, dans lequel on nous dit qu'une vingtaine de militaires et une équipe cynophile ont mené une vaste opération à Bressuire, où ils ont contrôlé 130 personnes, dont une en possession de cannabis. Ah, alors ! Un an plus tard, il assure, selon ses propres chiffres, que cette campagne est un véritable succès. Il estime avoir gagné une bataille dans la guerre contre le trafic de stupéfiants, malgré l'épisode des fraises Tagada que la police avait pris pour de l'ecstasy, ou des acteurs d'un clip de rap que le ministre avait confondu avec de vrais criminels. Ces images de dealers donc armés jusqu'aux dents. Des trafiquants de drogue posant complaisamment en gilet pare-balles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait communiqué à son sujet via son compte Twitter. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. C'est un clip de rap. C'est un rap. On a fait un clip de musique. Une opération de police est actuellement en cours sur place. Bilan assez mince de cette opération très médiatique. On apprend aujourd'hui qu'il s'agirait des images d'un clip de rap. J'ai fait ce clip parce que ça faisait un petit moment que je rappais et ça galérait un peu, tu vois ce que je veux dire ? Ça galérait un peu et il y avait une opportunité de buzzer et je l'utilisais et je l'ai fait. Des rappeurs ont publié un clip sur YouTube. Comme Stromae, dans le clip formidable, j'ai laissé fuiter 2-3 images. Et pour préparer le buzz, hein. Et j'ai attendu 2-3 jours que le buzz il prenne, ça monte. Et là, j'ai balancé le clip. Retour au poulailler, je suis là pour tout niquer, Grenoble, c'est pas paumé. Corbac l'écrit à la fin du clip, les armes étaient factices, la drogue aussi. Ces images avaient pour but d'impressionner, mais aussi peut-être de ridiculiser les forces de l'ordre et la République. Bah, d'abord, on n'en est pas sûr. Il y a le procureur de la République qui s'est exprimé, voilà, quelques jours pour effectivement plutôt crédibiliser le fait que c'était manifestement une démonstration. Quand j'ai demandé des opérations de police au préfet de l'Isère, nous sommes aperçus au bout de 3 opérations qu'il y a une saisie de 10 kilos de drogue dans ce quartier, dans les quartiers avoisinants. Alors, vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Fin août 2021, il se permet un enchaînement de mensonges en 2 interventions télévisées, notamment à propos des drogues. Est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe déclarée aux URSSAF et aux impôts ? Si l'on veut pousser le calcul avec les chiffres estimés de la drogue, il y aurait 3 dealers en France. Et plus sérieusement, ces chiffres ont été très largement démentis depuis. Enfin, et pas des moindres, Gérald Darmanin n'est vraiment, mais alors vraiment pas un fan de la critique. En 2017, Mediapart révèle que le ministre passe ses vacances en Corse, dans la villa de l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, condamné pour trafic de drogue international. Gérald Darmanin n'apprécie pas et fait un procès à Mediapart, qui sera innocenté par la justice. Pendant les élections régionales en mai 2021, Audrey Pulvar, alors candidate et opposante politique, qualifie de glaçante la manifestation des policiers. ce qui lui vaut une plainte du ministre, qu'il retirera par la suite, alors que de nombreux observateurs qualifient cette poursuite judiciaire d'atteinte à la démocratie. Dès lors, cette plainte est au mieux une grossière manœuvre d'intimidation, au pire un terrible coup de canif contre la démocratie, car il n'y a guère que dans les dictatures, quand même, qu'on voit le ministre de la police s'en prendre au candidat de l'opposition. Et plus récemment, il a menacé en direct à la radio la candidate écologiste Sandrine Rousseau de révéler des échanges privés qu'il avait eus avec elle, alors qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Maintenant, Mme Rousseau n'avait pas la même vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille lorsque j'étais ministre de la fonction publique. Et puis, si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je ne la choisisse pas. Et quand je vois ses déclarations publiques, j'ai bien eu raison de ne pas proposer sa nomination pour former des nouveaux fonctionnaires. Vous la menacez de publier les textos qu'elle pour vous a envoyés? Non, mais pour le reste, c'est ridicule. Voilà. En tant que premier policier de France, il enfreint la loi sur un plateau. Cela s'appelle du doxing et c'est interdit par la loi. Je vous en ai énuméré quelques-uns, mais les mensonges et polémiques de Gérald Darmanin sont si récurrents qu'on trouve carrément des compilations et top 10 sur Internet. On n'oubliera pas qu'il a aussi menti dans le scandale Adrexo révélé par Blast, qu'il a soutenu Nicolas Sarkozy alors que celui-ci venait d'être condamné par la justice pour corruption et trafic d'influence. Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Nous n'oublierons pas non plus ces polémiques sur les rayons dans les supermarchés. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme, voilà, je pense. Ou encore les propos sexistes qu'il a tenus à l'encontre d'une sénatrice en pleine commission d'enquête, alors qu'elle était en train de l'interroger. Je me ferais plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec madame la sénatrice à Calais, à la rencontre des habitants. Ah ouais, à la rencontre des habitants. C'est la fin de cette émission, non exhaustive, évidemment. Je ne pouvais pas tout énumérer ou développer ici. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel ministre vous voudriez voir dans la prochaine émission. Pour soutenir Blast, un petit like, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube, ça peut vraiment faire la différence pour nous. Notre équipe ne vit que des dons et des abonnements. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur blast-info.fr et je vous retrouve prochainement avec un autre portrait de ministre. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coups d'interrogatoires, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront: tu veux du jus,

dari Brian Lucy, dan ini menjadi warnanya menjadi red, merah pekat nih, dan masih panas, masih panas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les données du ministère de commerce indonésien pour essayer de récupérer toutes les usines textiles qui travaillent le long du Citarum pour les localiser sur une carte et essayer de trouver leur déversoir, là où elles rejettent leurs eaux usées. Et quand on n'arrivait pas à les trouver de la route, ce qui est souvent le cas, eh ben on utilisait un drone. Je crois que j'ai repéré l'endroit parce qu'il y a un gros tuyau qui balance de l'eau. Regarde, regarde, c'est là. Et donc, on a utilisé notre drone pour chercher les rejets d'eau usée, s'approcher, faire des prélèvements de 1 litre, 1 litre 5. Pour produire un t-shirt, il faut en moyenne 40 litres d'eau. Ça comprend la production de coton, mais ça comprend également le passage à l'usine. Une fois que le textile arrive à l'usine, il est nettoyé, il est coloré, on utilise des plastifiants. Et puis, il y a des pesticides, parce que on utilise des insecticides sur les textiles pour que les mites ne grignotent pas les t-shirts qu'on va finalement retrouver chez nous en Europe. Cette eau-là, au fur et à mesure de l'usine, elle va être chargée de ces différents produits chimiques et elle se retrouve à la fin en rejet. Et si le traitement n'est pas convenablement fait, et ben on se retrouve avec une eau polluée et une eau qui va polluer le Citarum. On a réussi à convaincre un industriel de nous ouvrir ses portes, une entreprise qui s'appelle Gistex, qui est l'un des plus gros producteurs textiles d'Indonésie. Et c'est vrai que le moment où on découvre les installations d'eau usée, de retraitement des eaux usées, je dois dire qu'on était un peu surpris parce que le responsable du site nous dit que pour lui, rien de tel que le test du doigt. So this is the water that goes into Citarum. Yes. So is it drinkable? I don't think so. You can touch, but for me, visual control is water check. I take, I put in hand. If I don't get itchy, then good. On s'est permis donc de faire des petits prélèvements à la sortie de son déversoir sans qu'il le sache, et nos résultats ont montré une vraie pollution tout à fait différente de ce qu'il prétendait. Vous avez déjà vu des niveaux aussi élevés dans votre carrière ? Non. Combien de polluants vous avez trouvé dans les cheveux de ces enfants ? Là, on est monté à plus de 50-54 polluants différents en moyenne. Les prélèvements d'eau, on a retrouvé beaucoup de nonylphénol. Le nonylphénol, c'est un perturbateur hormonal assez puissant qui va dérégler le bon développement hormonal des humains, mais également des animaux. Dans les cheveux, on a retrouvé des polluants industriels comme le PCB-180. On a retrouvé aussi des insecticides de la même famille que le gaz sarin. Dans le riz, on a trouvé des niveaux de plomb, des niveaux de chrome très très élevés. Et pour les habitants, c'est aussi ça pose forcément problème et ça pose question sur l'impact à long terme. D'après les gens avec lesquels je suis en contact, il y a vraiment eu un avant et un après. Le président a annoncé depuis que le Citarum serait propre d'ici 2025, que l'eau serait potable, ce qui me paraît être un défi très très difficile à surmonter, mais je demande à voir. Il a embauché l'armée pour nettoyer le Citarum, il a multiplié les contrôles, des usines qui polluaient trop ont fermé, et les lanceurs d'alerte avec lesquels je suis en contact, ceux qui m'ont ouvert leurs portes, ont reçu plus de financement pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus les Indonésiens et la population sur place, afin que finalement le Citarum redevienne le fleuve le plus sacré du pays et pas le plus pollué du monde. Souvent on nous dit que nos enquêtes sont un peu sombres, qu'elles ne sont pas trop porteuses d'espoir. Moi j'estime que les gens qu'on rencontre, ces lanceurs d'alerte qui se battent avec leurs petits moyens contre des industries à 10 milliards d'euros, qui passent leur journée sur le Citarum avec un pneumatique à dénoncer telle ou telle pollution, eux ils sont porteurs d'espoir. Eux ce sont vraiment des lueurs dans l'obscurité. Et moi je suis très heureux que depuis la diffusion de notre reportage en Indonésie, leur combat soit enfin reconnu à sa juste valeur, qu'ils aient reçu un peu plus de fonds et qu'ils puissent sensibiliser davantage les Indonésiens et certainement sensibiliser aussi les consommateurs que nous sommes pour que nous regardions nos vêtements, nos placards avec un peu plus d'esprit critique. Sa petite paire de noix gonfle un petit poil sa mini-jupe. Elle a des gambettes comme un fil à couper le roquefort. Ses petits os plats sous son chemisier me préoccupent.

Quand les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront demain. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'omari changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rapigne ou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront demain. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le potin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Les PDG. Une petite revue de presse. Eh bien, si vous assistez... Des agriculteurs alertent sur les risques de surtourisme. Depuis le premier confinement, le massif des Vosges le plus peuplé de France a vu sa fréquentation augmenter lors des week-ends de beau temps et les vacances. Un gain d'attractivité qui aurait ses limites s'il n'est pas contenu, à en croire certains agriculteurs qui donnent l'alerte. Les commerçants à Épinal. Les commerçants montent au front contre les antipasses. Ce samedi à Épinal, alors c'était le samedi 26 septembre, les manifestants antipasses sanitaires ont été confrontés aux commerçants spinaliens venus à leur rencontre afin de leur faire part de leur ras-le-bol concernant les défilés récurrents dans le centre-ville. Ah oui, il faut pas nuire aux petits commerces, hein. Pour avoir des idées, mais faut pas gêner. Voilà. Alors, politique, Zemmour et Orban en phase à Budapest. Bon, sans commentaire, hein. Présidentielle 2022, un congrès fermé pour désigner le candidat LR. Voilà, LR. Les Français, les plus gros fumeurs de cannabis en Europe. C'est la preuve que tout va bien dans ce pays, hein, certainement. Si les gens se droguent, c'est pour compenser des manques. Le plastique, une question centrale. Pionnier de la suppression des sacs plastiques à usage unique, 20 ans avant la loi, Édouard Leclerc poursuit son engagement pour un usage raisonné du plastique. Zoom sur une démarche de fond concrétisée par un travail sur trois axes. Supprimer le plastique dès que possible, le remplacer si besoin et améliorer sa recyclabilité. Objectif zéro gaspillage. Près de 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, dont 14% en phase de nutrition et 33% en phase de consommation. Alors là, c'est une page complète d'informations et de publicité en même temps. Hein, c'est de la voilà, pour Édouard Leclerc. Une page complète. Ah oui, ça coûte cher la pub, mais ça marche. Hein. Valeurs actuelles relaxées face à Mathieu Klein. Le maire de Nancy avait en effet attaqué en diffamation le très droitier magazine Valeurs actuelles. Alors, attaquer un très droitier magazine, oh, quand même, hein. Lorraine, un mirage Nancy-Hocher, perd une bombe inerte lors d'un exercice. Alors, l'emport inerte, une bombe qui tombe par gravité, pas un missile propulsé par le moteur, sera retrouvé, assure l'armée de l'air, il n'y a aucun risque d'explosion. Toutefois, il ne faut pas toucher la munition d'1,90 m de long pour 40 kg et prévenir la gendarmerie qui mène désormais les opérations de recherche. Voilà. sans commentaire, hein. Ben oui. Angela Merkel est effrayée par les oiseaux. Alors on voit Angela Merkel qui est apparemment a peur des oiseaux, hein. Sur une photo. Photo en couleur. Alors à côté, il y a une photo noir et blanc qui montre, il y a 30 ans, Klaus Barbie mourait sans l'ombre d'un regret. Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Oui, boucher, c'est peut-être pas gentil pour les bouchers, hein. Ils n'y sont pour rien, eux, dans tout ça. On pourrait dire l'assassin, le criminel de guerre de Lyon, est mort il y a 30 ans, on devrait dire, assassin, criminel de guerre de Lyon. Il y a 30 ans, pour ce jour, 30 ans, jour pour jour, ce samedi, le 25 septembre 1991, des suites d'un cancer, 4 ans après sa condamnation à la réclusion à perpétuité, pour crime contre l'humanité. Sans l'ombre d'une culpabilité sur les arrestations qu'il a menées, les exécutions qu'il a ordonnées, les tortures auxquelles il a participé, 4 ans avant le décès du nazi, un procès historique avait secoué la ville de Lyon, où Barbie a dirigé les gabardines noires de la Gestapo à partir de la fin de l'année 1942. Voilà, une triste période à laquelle on risque de revenir d'une certaine manière, tôt ou tard, à moins que les électeurs soient particulièrement vigilants. La reprise économique, freinée par le manque de main-d'œuvre. Ah bon ? Alors, et les syndicats de salariés, et le chômage, hein, bon, oui, bon. Benalla, un conseiller, un policier ou un justicier? Alexandre Benalla s'est-il glissé dans un costume de policier sans autorisation le 1er mai 2018? Le tribunal correctionnel de Paris s'est penché sur la question mercredi. Lui affirme ne rien regretter. Bon, ce genre de choses soit possible, ça montre que la République est vraiment dans des mains, hein. Oh, vous les qualifiez vous-même, les mains en question, hein. Ah oui. À droite, les mains, les militants choisiront. Ah ben voilà. Voilà. En hommage à sa mère, il ouvre un espace de coworking. Alors coworking. Vas, varum. Le pass sanitaire prolongé et allégé. Toulouse a tourné la page de la tragédie AZF. 20 ans après la pire catastrophe industrielle en France depuis 1945, les habitants de la métropole toulousaine s'intéressent peu à la mémoire de l'explosion d'AZF, lassés par les polémiques et les procès. Là, ça mériterait des commentaires, hein. C'est dommage, on n'a pas le temps. Hein. La suppression du bureau de poste fait réagir à Éloi. Oui, ça fait réagir. Bon, peut-être, sûrement même. Oh oui. La bourse. Alors, comment ça va, la bourse? Biomérieux, les actions de Biomérieux valent 114,6 euros. Elles avaient augmenté de 3,29% dernièrement, et puis là, elles ont baissé de 0,69%. Ah oui, ben oui, c'est des actions qui montent très vite quand on vend beaucoup de vaccins, et puis qui baissent ensuite. Capgemini, 192,35. Voilà, plus 51,70%. Je sais pas trop ce qu'ils vendent, mais enfin, bon, voilà. Les actionnaires de Capgemini sont heureux. DBV Technologies, plus 103,18%. Ensuite, Hermès, Intitel, 1277,5 euros. L'action. Eh oui, si vous avez acheté des actions, par exemple, à 100 euros il y a un an ou deux, eh ben, vous voyez, hein, vous n'avez pas perdu votre temps, hein. Vous avez gagné plus d'argent qu'en allant travailler dans une usine ou dans un magasin ou dans une ferme. Ah, ben oui. Il vaut mieux être actionnaire que travailleur. Ça paye beaucoup plus. Eh oui, l'action de Hermès a augmenté de 45,24% depuis un an. Ensuite, Schneider Elec, 152,98 euros. pardon, elle a augmenté de 29,32% depuis un an. Solvay, 105,15 euros, augmenté de 8,54%. Téléperformance, 368,4 euros, l'action, hein, oui, augmenté de 35,79%. Ah, voilà, on saura où acheter les actions, hein, oui. Il y a 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants en France. Si le nombre d'emplois vacants a nettement augmenté ces derniers mois, que certaines entreprises se plaignent de difficultés de recrutement, le nombre de postes à pourvoir reste très largement inférieur au nombre de chômeurs. Avec le déconfinement, un nombre croissant d'employeurs se plaignent de difficultés de recrutement, par exemple dans la restauration. Les derniers chiffres de la DARES, Direction de l'Animation et de la Recherche des Études et de Statistiques, mettent en lumière cette réalité. Le nombre d'emplois vacants en France s'élève aujourd'hui à 264 000, en progression de près de 50% sur une année. Il a augmenté principalement dans le secteur de la construction, du tertiaire marchand, notamment la restauration, mais également dans l'industrie. Il reste élevé dans le tertiaire non marchand, notamment dans le domaine de la santé. Le nombre d'emplois vacants reste cependant très largement inférieur au nombre de demandeurs d'emploi. Si on s'en tient aux chômeurs de catégorie A, sans aucune activité, il y a aujourd'hui un poste vacant pour 13 chômeurs. En élargissant aux demandeurs d'emploi au sens plus large, avec les chômeurs de catégorie B et C, on arrive à un poste pour 22 demandeurs d'emploi. Sachant que pour qu'un emploi soit considéré comme vacant, il faut que des démarches actives soient entreprises pour trouver un candidat convenable. Il correspond, dans seulement 48% des cas, à un emploi réellement inoccupé. Dans les autres cas, le poste à pourvoir est soit nouvellement créé, soit sur le point de se libérer. Voilà. Le marché de l'emploi, quel beau monde magnifique. Les électeurs qui ont voté depuis 50 ans, ils peuvent être fiers d'eux. Ah oui, et les hommes politiques qui ont été au pouvoir depuis 50 ans, ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent faire des rêves, des cauchemars peut-être aussi. Ils devraient faire des cauchemars. Eh oui, parce que, bon, voilà, hein, eh oui. Aubin et l'eau. Ce week-end aura donc été marqué par la transmission à la direction LCI et CNews du discours de notre petit Goebbels, comme l'a noté avec propos Dominique Jamais. D'ailleurs, je peux vous assurer, moi qui ai visionné un paquet d'images de ce monstre pour mon doc sur René Clessin, qu'on y trouve sans conteste les éléments de ressemblance troublants, aussi bien dans le discours que dans le physique. Mais tout va bien. Les grands médias TV privés ont une consigne claire, faire monter l'extrême droite. Ils s'y emploient du mieux qu'ils peuvent. Le but est d'accréditer l'idée macronienne qu'il n'y a plus rien entre lui et eux, et qu'il est le seul rempart contre eux. Tout le reste doit disparaître. Du beau boulot, l'idée même qu'on assassine la démocratie et qu'on promeut la haine ainsi ne les traverse pas. Business is business. Ah oui, c'est le titre d'une chanson, ça, non? Business is business. À moins que ce soit un slogan politique. Business is business. Opération Macron. Alors, évidemment, il s'agissait de le petit Goebbels. Il s'agissait de Éric Zemmour. Voilà. Une chercheuse espagnole en biologie, vous donnez 1 million d'euros par mois à un footballeur et 1 800 euros à une chercheuse en biologie. Vous cherchez maintenant un traitement. Allez voir Cristiano Ronaldo ou Messi et ils vous trouveront un remède.